Il y avait de l'entraide ou... Il y avait de l'entraide ici. Il y avait de l'entraide. Il y avait alors il y avait une batteuse en commun entre Gardis, Kerwé, Kerwitt. Voilà. Bon, après, il y a une cuma qui a été faite, mais nous n'avons pas été agréés. Ah bon ? Une cuma, c'est une coopérative ? Une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et donc, cette coopérative a été créée et vous n'avez pas été membre ? Non. Vous n'avez pas voulu ? Non, notre candidature a été rejetée. Pour quelle raison ? Parce que... Je vous ai pas besoin, c'est pas obligé de le dire, hein, si vous voulez pas. Parce que, donc, en fait, à ce moment-là, il y avait à peu près 20 hectares d'ensilage de maïs. C'est-à-dire beaucoup plus que tous les autres voisins. Et donc, ils ont considéré que ça aurait fait trop, qu'on avait trop à faire d'un coup, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça que. Ah oui. Ça a été discuté et que la candidature a été rejetée.